Nouvelle deuxième, le psautier de l'abbesse. Il y a en Lombardie un monastère fameux par sa sainteté et l'austérité de la règle qu'on y observe. Une femme, nommée Isabeau, qui réunissait en elle la noblesse et la beauté, l'habitait depuis quelque temps. Un jour, un de ses parents vint la voir à la grille avec un ami. Cet ami était jeune et bien fait. La nonna le sentit, et en devint de ce moment éperdument amoureuse. Une heureuse sympathie agit sur le cœur du jeune homme. Il ne fut pas plus insensible au charme d'Isabeau qu'elle au sien. Mais ils ne retirèrent pendant longtemps de cet amour mutuel d'autres fruits que les tourments de la privation. Cependant, comme tous deux ne songeaient qu'aux moyens de se voir et de se réunir, le jeune homme, plus fécond en ressources, trouva un expédient sûr pour se glisser furtivement dans la cellule de sa maîtresse. Tous deux, également joyeux d'une si heureuse découverte, se dédommagèrent de la longue attente et jouirent longtemps de leur bonheur sans contretemps. Mais enfin, la fortune trahit leur plaisir. Isabeau avait trop de charme, et son amant était trop bien fait pour n'être pas exposé à la jalousie des autres religieuses. Plusieurs espionnaient toutes ses actions, et se doutant de son intrigue, elle ne la perdait presque pas de vue. Une nuit, entre autres, une religieuse vit sortir son amant de sa cellule, sans en être aperçue, et elle communiqua sa découverte à quelques autres. Elles résolurent de dénoncer leur campagne à l'abbesse, nommée Madame Usinbald, et qui passait dans l'esprit de toutes ces nonnins, et de quiconque l'avait vue, pour la bonté et la sainteté même. Pour qu'on ne soupçonnât pas leur témoignage, et qu'il ne fût pas possible à Isabeau de leur récuser, elles concertèrent de faire en sorte que l'abbesse trouvât la nonnin couchée avec son amant. Ce projet arrangé, chacun de son côté fit le guet, se mit aux écoutes, afin de surprendre cette pauvre amante qui vivait dans la plus grande sécurité. Un soir qu'elle avait fait venir son amant, les perfides sentinelles le virent entrer dans sa chambre. Plutôt que de faire du bruit, elle lui donne le temps de jouir des plaisirs de l'amour et se divise en deux bandes. L'une veille sur l'appartement d'Isabeau, l'autre court chez l'abbesse. Elle frappe à la porte. « Allons vite, allons, madame, accourez !» La sœur Isabeau a un jeune homme dans sa chambre. À ce bruit, à ses cris, l'abbesse, effrayée et craignant que par trop d'empressement, les nonnes n'enfonçassent la porte et ne découvrissent dans son lit un prêtre qui le partage avec elle et qu'à l'aide d'un coffre elle introduisait dans le couvent, se leva à la hâte, s'habilla du mieux qu'elle put et pensant couvrir sa tête d'un voile qu'on nomme le psautier, elle s'embéguina de la culotte du prêtre. Dans cet équipage grotesque et dont les nonnes trop occupées ne s'aperçurent pas, l'abbesse crie en dévotement « Où est cette fille maudite ?» On arrive à sa porte, on l'enfonce, on entre, on trouve les deux amants dans les bras l'un de l'autre. L'étonnement, l'embarras les rendaient immobiles. Mais les nonnes, furieuses, enlevèrent leur jeune sœur et par l'ordre de l'abbesse, la conduisirent au chapitre. Le jeune homme resta dans la cellule. Il s'habilla et voulut attendre l'issue de cette aventure, bien résolu de se venger sur celle qu'il pourrait attraper des mauvais traitements qu'éprouverait sa maîtresse si on ne la respectait pas, de l'enlever et de s'enfuir avec elle. L'abbesse arrive au chapitre et prend sa place. Toutes les nonnas y étant, les yeux de toutes étaient fixés sur la pauvre Isabeau. L'abbesse commence sa réprimande, qu'elle assaisonne des plus piquantes injures. Elle traite la pauvre coupable comme une femme qui avait souillé et terni, par ses actions abominables, la réputation de sainteté dont jouissait le couvent. Isabeau, honteuse et timide, gardant le silence de la conviction, n'ose lever les yeux et son touchant embarras inspire de la pitié à ses ennemis même. L'abbesse continue toujours ses invectives. La nonnin, comme enhardie par l'excès d'un tel emportement, ose lever la vue, l'arrête sur la tête de l'abbesse et voit la culotte du prêtre qui pend aux deux côtés. Cette vue la rassure. « Madame, lui dit-elle, que Dieu vous soit en aide. Dites-moi bien tout ce qu'il vous plaira, mais de grâce, rajustez votre coiffe. » L'abbesse, qui n'entendait rien à ce discours, « De quelle coiffe parles-tu, impudente » dit-elle. « As-tu bien l'audace de vouloir railler ? Te semble-t-il avoir fait quelque chose de risible ? Madame, encore un coup, dites-moi tout ce qu'il vous plaira, mais de grâce, rajustez votre coiffe. » Cette prière singulière, répétée avec affectation, fit tourner tous les yeux sur l'abbesse. Elle la décida enfin à porter elle-même la main sur sa tête. On vit alors pourquoi Isabeau avait parlé comme elle l'avait fait. L'abbesse, décontenancée, et sentant qu'il était impossible de déguiser son aventure, changea de langage et conclut son discours par faire voir combien il était difficile d'opposer une résistance continuelle aux aiguillons de la chair. Aussi douce dans cet instant qu'elle avait d'abord paru sévère, elle permit à ses ouailles de continuer, comme on l'avait fait jusqu'à ce jour, à saisir toutes les occasions de s'amuser en secret. Après avoir pardonné à Isabeau, elle regagna son appartement. Isabeau rejoignit son ami, le fit encore venir plusieurs fois, et fut heureuse en dépit de l'envie.